23-22. Observation. Forme du futur. Tout ira bien. Tout ça finira mal. Il n'y aura pas de problème. Je verrai. Nous serons ravis. Ce ne sera pas un pli. Vous trouverez. Tous ces verbes sont au futur. Notez qu'il y a un R dans tous ces verbes. Ce R est caractéristique des formes du futur.